Maman est malade, son fils est pas là. Triste Abana, je veux savoir qu'elle pense de moi. Mais rien qu'elle danse pour moi. Chabine Bini, rien n'est fini. Mais sois pas timide, ta mère fait que m'appeler. Je crois qu'elle sait que je passe en télé. Chic ma musique vaut de l'or et Camine après nous. Elle me guette en carré, vivait dans sa zone, tout sur la piste. Chic l'alcool, bah c'est de l'or et qu'elle s'amuse dans le bando. Elle rêvait du prince charmant, mais elle a eu que des amants. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête.